Pour subvenir aux besoins du podcast, nous avons décidé de faire appel à des sponsors. Et aujourd'hui, il s'agit de Toucanbox. J'aime beaucoup Toucanbox parce que c'est une box conçue pour stimuler la créativité et l'imaginaire des 3-8 ans. Et vous savez à quel point ces thèmes sont importants pour moi. Chaque mois, les enfants reçoivent dans leur boîte aux lettres une box 100% recyclable et personnalisée à leur nom, contenant tout ce qu'il faut pour réaliser deux activités créatives, ainsi qu'un magazine très chouette, des autocollants et une surprise à collectionner. Si ça vous dit d'essayer, Toucanbox vous offre 50% de réduction sur votre première box. Pour en profiter, rendez-vous sur toucanbox.fr, toucan comme l'oiseau, box, box.fr, et saisissez le code LPH. Merci à Toucanbox de nous soutenir. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez une poignée de terre, de l'herbe, une boîte, une feuille de salade, et vous obtiendrez l'escargot merveilleux. C'est un tout petit jardin, mais pour Aya, c'est un terrain d'exploration fascinant. Elle peut passer des heures à observer la vie foisonnante et documenter toutes ses découvertes à coups de crayon. Ce qu'elle préfère, ce sont les escargots. Elle adore les regarder ramper, avec leurs maisons portatives, agiter leurs yeux tentacules dans tous les sens et dévorer goulûment les feuilles. Aujourd'hui, elle en découvre un avec une coquille merveilleuse, jaune comme le cœur d'une pâquerette, avec une spirale blanche et noire. Elle fonce chercher une boîte en plastique, la remplit de quelques poignées de terre herbeuse, saisit délicatement son trésor baveux et le dépose tout doucement dans son nouveau terrain de jeu. Une heure durant, Aya le regarde, mais ça n'a rien de palpitant. Il ne bouge pas. Il n'a même pas touché la feuille de salade qu'elle lui a apportée. Avec ses antennes basses, il a l'air si triste. Alors Aya ouvre la boîte. Il se redresse et se presse de retrouver sa liberté.